Mais l'objet aussi commandé aussi, nous ne l'avons pas, c'était du vol. En réalité, il veut dire que c'était du vol orchestré. Ça n'a jamais été le cas comme un avion qu'on nous avait fait détourner un moment. Et mais il dit qu'avec le risque, dès que vous commandez, il vous livre la chose, plus bonus encore. Donc il y a la fiabilité et bien sûr il y a la rapidité. Autre chose, il dit, le Mali n'a pas besoin d'un partenaire qui prend les devants, qui se met devant nous. Il dit non, le Mali a besoin d'un partenaire qui sera à notre côté, ou qu'il va se mettre derrière nous. Donc il ne s'agit pas d'un partenaire qui va piétiner notre souveraineté. Il ne s'agit pas d'un partenaire qui va vouloir s'approprier de notre souveraineté, que le Mali n'en veut pas. Donc nous voulons d'un partenariat gagnant-gagnant. Et il a dit, il a réitéré que le Mali est ouvert à beaucoup de partenaires, à condition que bien sûr la souveraineté du Mali soit respectée. Afrique Média, le monde. C'est nous.